Tu crois vivre ta vie dans le feu de l'action, mais tous tes désirs ne sont que réactions. Ta vie est formatée et toutes tes pulsions ont été programmées depuis des générations. Et sur ta face ingénue, anonyme est le masque. Pour cacher ta beauté sous d'horribles grimaces, voiler en vérité ta véritable face. Un cri a retenti au fond de la forêt, la harpe d'or a joué au cœur de Brocéliande. Merlin s'est réveillé à l'aube d'un temps nouveau, et son chant a tissé les rêves du renouveau. Stoppera les rires et les sottes réactions.